Yo, c'est l'amateur aux platines et au micro de Radio Grenouille. Ce soir, c'est Amateurisme, votre mensuel avec moi. Vous pourrez me retrouver dans quelques jours aussi à Perlimpinpin, ce vendredi 16 février. Il y a plus d'infos sur Instagram et sur ma page, bien sûr. On se retrouve dans une petite heure après que j'ai repris le contrôle des platines. À toutes. This is We'll be right back.

like everybody's watching. Dance like everybody's watching. Yo, c'était l'amateur aux platines depuis une petite heure sur les 3-8 avec du nouveau matos à Radio Grenouille. C'était un peu la bonne nouvelle de ce début d'année. Merci à Papy, à Gilou, à Antoine de nous avoir updaté un peu le matériel pour les DJ ici à Radio Grenouille. C'est important. On peut plus s'amuser du coup. J'espère que vous l'avez senti. On a fini avec ce morceau de DJ Witchard. Le morceau s'appelle Vampire. C'est la version dub. C'est assez superbe. Et on avait commencé avec un morceau des Sparks, repris par Telex. Et entre les deux, plein de deep techno, un peu de dubby aussi, un peu de new beat aussi. Un peu nostalgique, mais il y avait quelques nouveautés dans le tas. Vous retrouverez la playlist sur ma page SoundCloud dans quelques jours. Il y a le site aussi Grenouille qui se prend un coup de frais aussi. Vous allez retrouver plein de nouvelles rubriques et plus d'infos sur nos émissions. Voilà, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci à Gilou pour la technique. C'était Amateurisme sur les 3-8 sur Radio Grenouille. Bye bye, bonne soirée. Ciao.